Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Pas de baratin, mon pote. Salut les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Elle arrive dans votre radio avec son lot de nouveautés issues de la scène indépendante internationale et dans tous les styles, comme chaque semaine. Le numéro du jour, sans plus tarder, car le programme est encore chargé, et comme chaque semaine également, nous vient du Canada. C'est notre ami Guy Brière. Vous l'entendez souvent dans La Courte Échelle, mais c'est normal. C'est un artiste très productif qui nous sort des nouveautés régulièrement. Son dernier titre en date, ça s'appelle « Combien je t'aime ». Et on vous l'offre pour ce numéro de La Courte Échelle. Tu te couches tout près de moi, que tu déposes ta tête dans mes bras. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis ton roi, je suis heureux, je suis ton choix. Que tu sais combien je t'aime. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine? La peine que tu me feras. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Après 3 albums successifs, Maezo reste un amoureux de la musique et un chanteur prolixe qui a des choses à dire, des histoires à raconter. Dans son nouvel album qui a pour titre Le Tic Tac, eh bien, le musicien dévoile la palette de son univers. En voici un extrait, ça s'appelle De Venise à Parme. Venise à Parme, où les Steftej et les éjectés, on les a déjà entendus dans la courte échelle, et bien les voici avec une version toute particulière de Rocksteady Dub. La courte échelle. Thank you. Les rappeurs en carton, vous avez forcément entendu parler d'eux. Eh bien, voici une nouveauté des trois Lillois. Je vais le faire quand même. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Quand j'étais petit, je me suis rasé les sourcils, j'ai regretté. J'ai laissé ma mère gérer mon style, j'ai regretté. J'ai perdu beaucoup de temps avec des imbéciles, j'ai regretté. Je me suis cramé le bras en l'allumant avec du dé au-dessus, j'ai regretté. Mais c'était drôle, drôle, d'assouvir mes idées folles, folles. J'impacte des milliers de casseroles, des regrets, j'en ai plein la poche gauche, ça déborde. Je le sens, mauvaise idée qui pop dans ma tête. Je déclare ce soir, je sors sans mon vaucer. Je sais que je vais regretter, mais je vais le faire quand même. Je sais que je vais regretter, mais je vais le faire quand même. Je sais que je vais regretter, mais je vais le faire quand même. Je sais que je vais regretter, mais je vais le faire quand même. Quand j'étais petit, je rêvais NBA. J'ai cassé le panier, puis j'ai regretté. J'ai vu cette fille, je lui ai tout donné. Je savais pas encore que j'allais regretter. Y'a plein de sable que je veux acheter. Jamais ma taille, je finis par regretter. Toujours un bonnet gros, même l'été. Je t'avoue la canicule, j'ai regretté. On fait des trucs qui nous passent par la tête, qu'on teste et puis qu'on regrette. Que la vie nous enseigne, sans tous mes échecs, j'aurais jamais mis un pied sur scène. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Nash Albert est un chanteur, compositeur, guitariste de Tbilissi, vivant actuellement à Moscou. Il a été bercé par la musique traditionnelle folklorique géorgienne depuis son plus jeune âge. Il a été initié à la musique rock, introduite en contrebande par ses frères aînés. Le voici avec Lost in Jerusalem. Stripes on the colors, saved through the ages. Cities are buried under the sands. Servants of idols are keeping the pace. Cross-culturing desert to a challenging place. There's an escape on the scene. Over your reins and over your life. Is it eternal or comes to the end? You have to believe to get through this gate. The past turns to present, and present is real. An unstoppable engine is turning the wheel. Thank you. Le nouvel album composé par Ibrahima Sissoko a été réalisé entre la France et le Sénégal. Ce nouvel album est un opus énergique et éclectique qui célèbre la vie dans toute sa splendeur. Le voici, Ibrahima Sissoko avec Mandingue Folie avec Africa. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Paul Pechenard est auteur, compositeur, guitariste, interprète et producteur de ses 5 derniers albums. Le voici avec une nouveauté sans aucun doute. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Pourquoi partir ? Faut-il parler ou ne rien dire. Chacun sa vie, sa vérité, chacun sa route, chacun ses doutes. Tu m'as roulé dans la farine et j'ai coulé dans la piscine. J'ai balancé ton bric-à-brac, tout retourné dans la baraque, comme une envie de tout casser, mais sans un bruit, me suis enfui et j'ai roulé toute la nuit. M'en suis voulu, me suis perdu. Le nouveau single de Soul Spirit raconte la descente aux enfers d'une femme qui pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Un sujet hélas bien trop d'actualité. Soul Spirit, les bleus du ciel. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je me regardais d'en haut, je suis tombée dans ses bras. Un amour idéal comme on n'en vit qu'une fois. Il m'a serré si fort, il est devenu mon roi. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Originaire du Québec, l'autrice, compositrice, interprète Suzanne Lainès présente Un corps comme ça, un titre qui dénonce de façon brillante et avec légèreté les dictats de la beauté imposés par la société à travers les publicités, les magazines et les réseaux sociaux. Tout est à vendre, même le bonheur, papier glacé, reine de beauté, corps affamé, photoshopé, à chaque page tu me fais croire que mon image va décevoir, que je suis moins belle, que je suis trop vieille, que je dois changer de ressembler. Mais ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, un corps comme ça. Moi j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, un corps comme ça. D'émotion, sinon ça craque. Le bistouri éloigne tes rides. Quand tu souris, c'est pas fluide. Ton ventre est plat, ta taille est fine. La caméra te rend sublime. Ton corps parfait qu'on redessine devient l'objet du magazine. Mais ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, un corps comme ça. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, un corps comme ça. Moi j'ai un ventre, j'ai mis au monde, ma peau descend, le temps remonte. Le chemin d'une vie, ça laisse des traces, j'ai pas envie. Que je valide dans mon miroir, je suis présente au naturel, telle qu'elle vivante et bien réelle. Mais moi je l'aime comme ça, mon corps à moi. Mais moi je l'aime comme ça, mon corps à moi. Mais moi je l'aime comme ça, mon corps. Je l'aime comme ça, mon corps et moi. Mais moi je l'aime comme ça, mon corps à moi. Une nouveauté, la courte échelle, qui d'après Indra Rios Moore, qui nous l'interprète, serait un concentré de joie. Ça s'appelle Freedom Road. La courte échelle. together for me and you. That's why I'm marching. Oh yes, I'm marching now. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Léon Di est un quatuor de rock français. Il a été créé courant 2008. Les voici avec Ma Peau. Aujourd'hui, je change de peau, je me consume dans l'atmosphère. Colère en moi que je libère, en boule de nerfs, à fleur de peau. L'adrénaline, j'en suis accro, je me taille les veines à coups de hache. Juste que tu le saches, je suis une bombe qui explose. Scalpette mes nuits, sous la lune rouge interdite. Je la trouverai sûrement plus belle, cette peau douce de sentinelle. Je veux bien vous la vendre ma peau, même avant d'être tué. Une morphine je peux souhaiter, liée direct à ton cerveau. Et quand le vent viendra dans le dos, l'arme serrée entre les dents, tu sentiras la marque de mon seau, d'un geste si précis et lent. Est autrice, compositrice, interprète et multi-instrumentiste. Avec sa voix chaleureuse et son accordéon, Gina se lance dans un nouveau projet qui lui tient à cœur, celui de mêler les sonorités africaines et ses compositions. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Le ventre plein et le regard étroit.

L'album du groupe Les Marmottes s'appelle Dans l'amour jusqu'au cou. C'est un beau programme, mais en voici un extrait avec Ta planète. La courte échelle. Encore plus belle que le cristal qu'on a envie d'appeler maman. Elle se mélange dans les étoiles, on est protégé sous son voile. Elle donne le sourire aux enfants. C'est ni la tienne, c'est ni la mienne. C'est un cadeau à partager. Et pourtant qu'elle en vaut la peine, qu'elle soit calme ou qu'elle se déchaîne. Tous les jours elle fait sa tournée. C'est sa tournée. D'où viennent-ils ces destructeurs aux idées courtes et aux bras longs? Et qu'on en rit ou qu'on en pleure, malgré leur profil de vainqueur, c'est vraiment qu'une bande de bouffons. Là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne. C'est peu d'amour, ouais, pas de pitié. Tant de souffrance et tant de peine, trop de violence pour la belle reine. Toutes ces conneries à assumer. D'assumer. Ouais, ouais. En plein délire d'adolescent, le grand singe n'est pas capable de trouver une place qui ait un sens. Et comment croire que ça ira bien quand on avance les yeux fermés? Et quelle histoire on racontera à nos gamins? Comment leur dire que grâce à nous rien n'a changé? Toi t'as changé. Vivre c'est déjà disparaître, alors autant penser à ceux qui vont naître ou ne pas être, ou simplement se la faire mettre. C'est nous qui choisissons pour eux. Comme le printemps fleurit l'espoir, l'homme passionné il continue d'y croire. C'est tellement bon de se mélanger à la fête. Quand tout va bien, toi tu te sens bien sur ta planète. C'est ta planète. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, non, non. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, non, non. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, non, non. Et on va terminer l'émission du jour avec Thierry Vallant, un extrait de son dernier album Les poètes n'ont pas disparu et Le génie de Victor H. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Mur en ville. Et port, asile de mort, mer grise ou brise, la brise tout d'or, comme disait Victor. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit. dans l'ombre des génies. Invisible créature, surnaturelle et pure, dans les flammes elle danse, dans les âmes elle pense, et nous inspire comme on respire. L'espoir, vapeur, suave à l'heure des braves, hommage aux sages, courage, défi de toute une vie subtile, topaze futile, extase, diamant brillant, instant rubis, trésor de l'esprit, un trait de plume. Portrait de brume, génie aussi, merci, c'est beau, le génie d'Hugo. Invisible créature, surnaturelle et pure, dans les flammes elle danse, dans les âmes elle pense, et nous inspire comme on respire. Ouh. Il trace nos chemins, nos anges, nos gardiens. Il chuchote, il murmure. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour un nouvel épisode de La Courte Échelle, qui, cette fois, sera particulier, puisqu'il mettra en scène les artistes indépendants de la scène canadienne et de la scène québécoise plus particulièrement. J'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt et surtout, soyez heureux. Invisible créature, surnaturelle et pure, dans les flammes elle danse, dans les âmes elle pense, et nous inspire comme on respire. Votre instant d'évasion, La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.